Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'histoire, un mélange explosif au croisement de l'univers des comics et de l'histoire de la traque des nazis. C'est dans une série américaine proposée par Amazon, Hunters. Les séries de super-héros investissent chaque jour davantage l'histoire du XXe siècle. Après les Watchmen qui s'enracinaient dans les massacres de Tulsa, mettant aux prises le docteur Manhattan, le spectre soyeux et Ozymandias et la mémoire du racisme anti-noir, Amazon programme Hunters ou la chasse sur la possibilité d'une réparation pour les victimes de la Shoah. Pas de super-pouvoir ici, mais une petite armée de citoyens menée par Al Pacino, dans le rôle d'un rescapé guidé par la soif de vengeance, engagé contre la résurgence du nazisme, un quatrième Reich de fiction, sur le sol américain. Que la chasse commence. Hunters de David Veil explore dans une fable morale l'impossible justice due aux victimes de massacres perpétrés au nom de la race. Dans les pas de Quentin Tarantino avec son Inglorious Bastard qui mettait en scène un Brad Pitt en scalpeur de nazi, cette nouvelle série flirte à chaque instant avec les limites de la mise en fiction comique des génocides avec des séquences rejoignant des épisodes avérés de la cruauté concentrationnaire qui amène le spectateur à la frontière du grotesque et de l'effroi absolu. Le mal s'est installé chez nos voisins. Ils ne nous voient pas. On peut faire ce qu'on veut en Amérique. Alors ta grand-mère et moi avons fondé les chasseurs. Vous avez réuni des chasseurs de nazis. On a un serrurier, une espionne, un soldat, un maître du déguisement. Allez, c'est parti. Et deux experts en armes. Le casting de cette chasse de fiction respecte toutes les dimensions de l'inclusif médiatique. L'armée vengeresse se compose de rescapés experts en armement, d'une mère célibataire africaine-américaine, d'un asiatique encore aux prises avec le trauma de la guerre du Vietnam, un commando hétéroclite suivi à la trace par un agent du FBI gay qui tente de remettre un peu de morale dans cette quête de justice sans limite. Il y a une bonne façon et une mauvaise façon de rendre justice. En faisant ça, tu deviens le mal que tu combats. Situé dans les années 70, au seuil de la diffusion de la série Holocaust, dans le monde entier à la fin de la décennie et qui popularise l'histoire de la Shoah à l'échelle du récit de l'expérience d'une famille juive, une esthétique acidulée entrecoupée de scènes jouées dans des camps de concentration qui bousculent le regard à chaque minute et nous laisse peu convaincus de l'efficacité de son plaidoyer sur la condamnation d'une justice du mal par le mal. Une tentative pourtant bienveillante d'associer tous ceux qui réclament réparation aujourd'hui pour avoir été pourchassés du fait de leurs origines ethniques ou de la couleur de leur peau. Hunters de David Veil. Merci Anaïs pour votre veille. On retrouve le journal de l'histoire sur le site internet franceculture.fr.